passer. Combien de lois, combien de fois et combien d'agents déployés. Combien de croix, combien de rois, combien de fainéants payés. Combien de soi, combien de moi, combien de petits moutons gavés. Il y avait des guerres et des famines comme dans le livre et dans les films. Il y avait la peste et la vermine, des conditions pas toujours clean. Il y avait des milliers de Staline, des continents comme des latrines. Il y avait des militaires en ligne qui n'ont plus que nos chiens d'Irmine. Comme un cri dans la nuit, comme si j'étais seul.